So, the bookseller has found a small dictionary and also a phrasebook, especially for English and American tourists. Un guide des expressions pratiques pour les touristes anglais ou américains en France. Of course, George is not exactly a tourist, but the book should serve him well. Besides, as the bookseller says, c'est assez petit. It's quite small. You've heard the word for quite before. Remember? Pardon, madame, monsieur. Où est l'hôpital? Ah, c'est assez loin. Oui, c'est assez loin. It's quite far. Maintenant, c'est à vous. Now it's your turn. Écoutez la question. C'est loin? Et répondez pendant la pause. Oui, c'est assez loin. Après la pause, répétez la bonne réponse et copiez l'intonation. Vous comprenez? Bon, à vous maintenant. C'est loin? Oui, c'est assez loin. C'est difficile? Oui, c'est assez difficile. C'est petit? Oui, c'est assez petit. C'est récent? Oui, c'est assez récent. C'est facile? Oui, c'est assez facile.